et bienvenue aux amateurs de rock progressif pour cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Je serai avec vous pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures-là, mais je n'ai que des nouveautés. On a 14 pièces qui habituellement, on fait un mélange de musique d'hier et d'aujourd'hui, mais... par un effet du hasard, aujourd'hui, ce ne sont que des pièces de 2018. Alors, on aura Saint-Dône d'Italie. Ça va occuper le premier bloc de l'émission consacré à l'album de la semaine. On aura Livestream aussi d'Italie. Carp Tree, un nouvel album. Ça nous vient de la Suède. On aura aussi Marchesi Escarmoza d'Italie. Sanguine Hum d'Angleterre, on aura Prog Atom de Norvège, Telegraph d'Israël et Rheinstolt, anciennement de Flower Kings, qui lui nous vient de Suède. Et en fin de bloc, nous aurons un Québécois de Sherbrooke du nom de David Bérubé. Alors, vous allez voir, il est en compagnie de deux guitaristes assez chevronnés. Alors, je vous réserve l'information pour le dernier bloc de l'émission. Alors, on débute avec l'album de la semaine et c'est Saint-Dône. Saint-Dône, c'est un groupe de musiciens italiens qui est actif depuis 1992. On leur compte maintenant 7 albums studio à leur actif. Et le plus récent, mais c'est Misogynia. Et c'est cet album-là qui occupe le bloc 1 de l'émission. Et cet album-là bien, est assez court quand même. C'est 42 minutes il y a 9 pièces. Les musiciens sont, je dirais, de facture assez traditionnelle italienne. Il y a un petit côté marqué de l'utilisation du B3 Hammond et du Moog Synthesizer. Et puis, sur cet album-là, bien, ils ont eu la collaboration d'une chorale et d'un orchestre symphonique. Et l'orchestre symphonique, c'est le Budapest Scoring and Symphonic Orchestra. Alors ça, ça donne un peu plus de sérieux à l'exercice. Et des fois, le mariage symphonique et prog n'est pas toujours heureux, mais dans ce cas-ci, c'est bien dosé. Et moi, j'apprécie beaucoup. Et en passant, je veux juste vous rappeler que j'ai eu un coup de cœur aussi pour un autre de leur album qui s'appelle Odysseas, qui est paru en 2014. Alors, on débute ça avec Saint-Dône. Thank you. Ci non san trovare donne che non san più se cedere al tempo, cercare ancora una chimera. Ecco che io rimedio ho per voi. Don't let

colpo di testa. Il tuo male. We'll be right back. ed è come un canto di sirena, e negli occhi di una bimba che senza paura fa un futuro, danzerà. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un groupe italien du nom de Saint-Dôme. Et ceux qui sont là depuis le début de l'émission, mais vous avez entendu 6 extraits de cet album-là. Et j'en ai fait un petit montage qui dure à peu près 26 minutes, mais l'album au complet en dure 43 ou 42 ou 43. Alors, je vous invite à aller consulter, à écouter cet album-là qui est du nom de Misoginia. Alors, après la pause, un autre groupe italien, Livestream, et on ira du côté de la Suède avec Carp Tree. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et oui, on est rendu au deuxième bloc de l'émission et on aura, pour débuter, un groupe italien. Moi, c'est un groupe que je pense que c'est un nouveau groupe parce que je ne connais pas d'autres albums qui auraient pu être publiés auparavant. Alors, moi, j'assume que c'est un nouveau groupe avec 4 musiciens et ce serait leur premier album. Et là, je dis ça sur toute réserve. Et l'album s'intitule Diary et on va entendre la pièce Over the Ripping Waters. Et on va tout de suite aller après avec un groupe de Suède du nom de Carp Tree. Mais en fait, ce n'est pas un nouveau groupe. Le groupe existe quand même depuis 17 ans. Ils ont 7 albums studio depuis leur début. Et le plus récent, mais c'est Subimago. Et on va entendre Sum of All Senses, la somme de tous les sens. Alors, on débute ça avec un live stream d'Italie. try to see the meaning of it all. But Dyson, still we rest. We'll be right back. Many ways there is to know. You Alors, c'était le groupe suédois Carpentries avec la pièce Some of All Senses. C'est tiré de leur plus récent album Sub Imago. Et en début de bloc, nous avions la formation italienne Livestream et la pièce Over the Rippling Waters. Ça, c'est tiré de l'album Diary. C'est aussi une nouveauté. Après la pause, l'Italie, l'Angleterre et la Norvège. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, c'est le début du troisième bloc et on va débuter ça avec le groupe italien Marchesi Scarmosa. C'est un groupe qui existe depuis 2012. Ils viennent de faire sortir leur troisième album. L'album, c'est le nom, c'est Gemini. Et on va entendre la pièce Daero. Et ensuite, ça va être Sanguine Home. Sanguine Home, c'est un groupe britannique qui existe depuis 2010. Ils viennent de faire sortir leur quatrième album studio. L'album s'intitule « Now We Have Power » et on va entendre la pièce « Devachan Don ». Et on va conclure le bloc avec une nouveauté aussi de Norvège. Le groupe n'est pas nouveau, ils ont déjà deux albums à leur actif. Et ce qui vient de sortir, c'est « Spiral », leur plus récent. Et on va entendre la pièce « Homo Digitalis ». Alors, on débute ça avec Marchesi Scarmosa. Sognati dir zu spieren, vor Fröte trier, vor Fiere te tu, te avancert, vor Enkelt, reißen schieter fort, des er sicher te bocke, en variant belehrt om, da Konsequenz ignoriere. Jordbruk til terabyte, fra papir til pixel, fra dialog til Snapchat, til fjern fra nær. Et liv levd i fart kan ikke tas tilbake. Det overfladiske læres, det viktige ignoreres. Evolvere for å overleve, en mantra for et liv. Passive mot å agere, ved en nye giv. We'll be right back. den todimensjonale verden vi vil se. RK4D erstattes med 4G. Sansene smelter, minker som en pol. Skogens trange stier byttet ut med en stol. På tide å våkne, på tide å logge av. På tide å skru ned indre stress fra høy til lav. Lev liv mer som LP, ikke som MP3. En ukomprimert tilstedeværelse. À l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au dernier bloc de l'émission et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour ceux qui désireraient obtenir la liste des pièces qui passent à l'émission. Alors, je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurones. Alors, le dernier bloc de l'émission, bien, on va débuter avec un groupe d'Israël. Le nom du groupe, c'est Telegraph. Et ils ont un seul album qui est paru cette année. L'album s'intitule « Mir », comme dans la station spatiale « Mir ». Et la pièce que je vous propose, c'est « Out There ». Et on aura ensuite Ron Stolt, celui qui est il est très connu comme guitariste de Flower Kings, entre autres. On le trouve un peu partout, mais là, il a sorti son 8e album solo. L'album s'intitule « Manifesto of an Alchemist » et on va entendre le « Spell of Money ». Et en fin de bloc, ben, j'ai un musicien de Sherbrooke que j'ai découvert. Ben, en fait, c'est un auditeur de l'émission. Il m'a fait parvenir un petit peu d'informations sur son œuvre. En fait, il a un album qui est paru, je crois que c'est cette année. Et l'album s'intitule « Living Our Lives ». Et je vous propose une pièce sur laquelle il a invité deux guitaristes très connus à participer avec lui. Alors, j'ai nommé Richard Henshaw du groupe de Haken. Et on a Eric Gillette aussi de Neil Morse Band. Alors, c'est une participation qui est quand même intéressante. Là. Puis je me demanderai à un moment donné, je parlerai peut-être avec David Bérubé, à savoir comment ça s'est passé et par quel mécanisme il a réussi à obtenir la participation de ces deux grands guitaristes. Alors on débute ça avec Télégraphe d'Israël. Thank you. than money from get-go. Rotten money, bloody branches, grab your golden soul. Molten money, lose it, grab it, garden's falling down a hole. Filthy money, filthy habits, and all the lives that it controls. There's so much that you can do. There's stinking money, if you can stand it, good enough to watch your soul. Lay your life down, dirty playground, there is no one in control. Burning meadows, stick together, someone reaching for your soul. Yeah. No one in control. Alors ça, c'était David Bérubé et son complice Olivier Laroche, deux musiciens de Sherbrooke et qui ont fait paraître un album le 22 septembre 2018. L'album s'intitule « Living Our Lives ». Et on a entendu « Wishes and Souvenirs ». Et sur cette pièce, bien, les solis de guitare, bien, c'était l'œuvre d'Éric Gillette du groupe de Neil Moore's Band et de Richard Henshaw. Ça, c'est du groupe Haken. Auparavant, nous avions Ron Stolt, le guitariste de Flower Kings, et un extrait de « Manifesto of an Alchemist ». Ça, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Et on a entendu la pièce « The Spell of Money ». Et en début de bloc, on avait une formation d'Israël, et c'était Telegraph, et la pièce Out There, et ça c'est tiré de Mir. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette, je pense qu'on est rendu à 205 émissions de Rock de Neurones. Puis avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et si vous voulez l'obtenir sur le web, eh bien, elle est en streaming sur SoundCloud. Vous allez sur l'application et en fait le site et vous n'avez qu'à taper Rock de Neurones dans la barre de recherche et vous allez avoir accès à l'émission de la semaine courante. Si vous voulez aller un petit peu plus en arrière dans le temps, eh bien, sachez qu'il y a 140 émissions qui ont été archivées sur archive.org. Aussi, je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurones et vous allez y trouver aussi les palmarès, notamment mon top 20 de l'année 2018. Vous allez aussi avoir mon top 50 des groupes de rock progressif québécois. J'ai une centaine aussi, un palmarès d'une centaine d'albums, les meilleurs albums de rock progressif italien. Vous avez aussi un lien sur mon palmarès des 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Alors, tout ça, c'est sur Rock de Neurones. Aussi, sachez que je publie à chaque semaine une infolettre. Alors, si vous voulez être dans la liste de distribution, vous n'avez qu'à me laisser une note sur ma page Facebook. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.